السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله في الحديث 49 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. المدير رحمه الله، d'après ابن عباس رضي الله عنهما، le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: certes, Allah m'a fait grâce de pardonner à ma communauté ce qui a été commis par erreur, oubli ou contrainte. Hadith bon, rapporté par Ibn Majah, Al-Bayhaqi et autres. Ce hadith donc fait partie des hadiths montrant l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa sagesse et sa douceur envers ses créatures subhanahu wa ta'ala. Cela du fait qu'il leur pardonne et qu'il passe sur les fautes, sur les péchés qu'ils ont pu accomplir par erreur, oubli ou contrainte. Par erreur, al-khata, oubli, al-nisyan, ou contrainte, al-ikra. Et cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset: Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ô Seigneur, ne nous châtie pas si nous oublions ou commettons une erreur. Surat al-Baqara, verset 286. Donc, la cause de la descente de ce verset et la part d'Allah subhanahu wa ta'ala: Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'à lui seul appartient les cieux et la terre. Il informe que si les serviteurs cachent ce qu'ils ont dans leur poitrine ou bien qu'ils le dévoilent, Allah connaît cela. Et Allah les jugera selon cela. Donc lorsque ce verset est descendu, cela a été dur pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car chacun a des choses qu'il peut avoir à l'intérieur, des pensées qui ne proviennent pas forcément de lui, mais peut-être de Shaytan ou autre. Donc ce verset a été dur. Donc les compagnons se sont demandé comment est-ce qu'ils allaient faire. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ces versets dans lesquels il enseigne la vocation à dire: Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ô Seigneur, ne nous châtie pas si nous oublions ou commettons une erreur. Jusqu'à la fin des versets. Il a été rapporté dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit après cela: Qad fa'alt, je l'ai certes fait. C'est-à-dire, je l'ai certes fait. C'est-à-dire, ne pas châtier ses serviteurs s'ils oublient ou ils commettent des erreurs. Et parmi ce qui a été cité aussi dans le verset, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas un serviteur d'une charge qui est supérieure à sa capacité. Donc, Le hadith vient montrer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sagesse quant au fait de ne pas châtier le serviteur pour une chose qu'il a accomplie par erreur, par oubli, ou une chose pour laquelle il a été contraint. Nous avons une autre preuve du Coran et de la Sunna venant montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas ses serviteurs pour les actes accomplis ou commis par erreur, par oubli ou par contrainte. Donc cela revient au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de péché qui lui sera inscrit. Mais ici, il y a un point qu'il est important de savoir. Ce point est que, certes, la personne qui accomplit un acte par erreur, par oubli, n'est pas châtié par Allah subhanahu wa ta'ala et il ne lui est pas inscrit de péché. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas garant et responsable de ce qui peut découler de cette erreur ou de cet oubli, dans ce qui concerne les droits des créatures. Donc il n'est pas pécheur, cela, pour le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais quant à ce qui va découler de l'oubli ou bien de l'erreur qu'il a eue, alors il devra être garant et il devra, dans le cas où cela a causé une nuisance à un serviteur, il devra se porter garant de cela. Donc à titre d'exemple, une personne qui aura tué une autre personne par erreur, al-qatlu khata, donc cette personne n'aura pas de péché car cette chose est arrivée par erreur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas payer ad-diya qui est le prix du sang. Donc, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est pardonné, mais quant au droit des créatures, pour ce qui va découler de l'erreur ou l'oubli qui a été fait, alors la personne est garante de cela. Wallahu a'lam. Ensuite, l'auteur rahimahullah nous dit dans le hadith numéro 39, il nous dit rahimahullah. Dans le hadith numéro 40, il nous dit rahimahullah. عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. Il nous dit rahimahullah, d'après Ibn Omar radiallahu anhuma, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me prit l'épaule puis dit: sois dans ce bas monde comme un étranger ou un voyageur, un passant. Et Ibn Omar disait après cela: lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Et prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Rapporté par Al-Bukhari. Donc ce hadith contient plusieurs fawaïd. Parmi cela, premièrement, l'importance donnée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au noble compagnon Ibn Omar radiallahu anhuma. Cela du fait qu'il l'ait pris par l'épaule radiallahu anhu wa sallallahu alayhi wa sallam pour lui enjoindre ces paroles citées dans le hadith. « Kun fi dunya ka'annaka gharib » Sois dans ce bas monde comme un étranger. Il a écrit le hadith. Et il a été cité que Ibn Omar radiallahu anhu avait à cette époque l'âge de 12 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par l'épaule et lui a enjoint cela. Et ce hadith pousse aussi la personne à ne pas être trompée par ce bas monde et ses jouissances éphémères, mais au contraire à accourir et à concurrencer dans les œuvres de bien, dans les œuvres permettant de se préparer pour l'au-delà. Comme l'exemple de l'étranger, El-Gharib, qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier. El-Gharib, l'étranger, qui est la personne qui est au milieu de gens différents, des gens qui sont différents de lui, qui n'ont pas les mêmes pensées que lui, qui n'ont pas les mêmes ambitions, qui n'ont pas les mêmes problèmes que lui, n'ont pas les mêmes craintes que lui. Donc il est étranger. Hakadha halul mu'min, cela est l'état du croyant, entre eux, lorsqu'il est entre les gens qui accourent à cette dunya, qui sont accrochés à ce bas monde. Donc lui est un étranger. Comme l'étranger qui serait dans un pays qui n'est pas le sien. Fayakun ghariban, il n'est pas comme les gens Et ils ne se préoccupent pas de ce à quoi se préoccupent les gens. Ou plus encore, l'exemple du voyageur. Abiru sabil. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné deux exemples. L'exemple de l'étranger ou du voyageur. Donc le voyageur qui est encore plus étrange. Car le voyageur est de passage. Il sait que le lieu sur lequel il est un lieu où il est de passage. Il ne s'accroche donc à aucune chose qui va faire partie des choses sur lesquelles s'accrochent ces gens qui sont résidents dans ce lieu. Car il sait qu'il est dans ce lieu-là pour un court moment, pour un court instant. Donc il est de passage, il ne s'arrête pas. Hakada al-mu'min, hakada mithal al-mu'min. Donc cela est l'exemple du croyant qui est de passage dans ce bas monde. Une personne qui est pressée de retourner vers sa réelle demeure, vers sa famille, vers ses proches. Fahakad al-mu'min, qui est pressé, celui qui croit en l'au-delà, qui croit en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il se sent dans ce bas monde comme une personne qui est de passage, qui est venue pour un besoin, ici en l'occurrence qui est venue, car il a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais sa réelle demeure est dans l'au-delà. Sa réelle demeure, sa première demeure, qui est le Jannah, duquel a été sorti Abouna, notre père Adam alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé, et en récompense et en rétribution du péché qui a été commis. Enfin, sa première demeure est le paradis donc, et il est ici dans ce bas monde de passage, et donc il accourt à retourner chez lui, retourner dans sa demeure, retrouver ses proches, retrouver ses biens, et retrouver les délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparés fil jannah dans le paradis. Fahakada al-mithal alladhi mathalahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lil mu'min fi hadhihi ad-dunya. Il nous a mentionné dans ce hadith un des mérites du noble compagnon Ibn Omar radiallahu anhu, du fait qu'il a pris ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de faire et qu'il disait radiallahu anhu après cela: Idha asbahta fala tantadhir al-masa wa idha amsayta fala tantadhir al-sabah. Donc le fait d'avoir mis en pratique ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en plus de cela le fait d'enjoindre autre que lui à cela, radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui écoutent la parole, en tirent ce qu'il y a de plus profitable et de meilleur et mettent cela en pratique. Puis l'auteur rahimahullah nous dit: عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. إنه دي رحمه الله دقي أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كيادي لو مساجد الله صلى الله عليه وسلم أدي: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que ses passions suivent ce avec quoi je suis venu. Donc hadith bon, authentique. Le noble savant, le Cheikh Saleh Ibn Abdel Aziz Ali Cheikh, hafidhahullah, nous dit en commentaire de ce hadith: ce hadith est bon, c'est-à-dire hasan. Donc un degré qui est inférieur du hadith authentique, mais qui est un hadith qui est accepté et qui est considéré comme étant une preuve. Il nous dit: ce hadith est bon, hasan, comme l'a rendu bon An-Nawawi. Et il a dit: hadithun sahihun. Donc en plus de hasan, il a ajouté sahihun. Puis il nous dit, hafidhahullah, et la cause pour laquelle ce hadith est bon est le fait qu'il a pour sens la parole d'Allah Azza wa Jal qui nous dit, d'après l'essence du verset: Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset: par ton Seigneur, ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans ce sur quoi ils divergent, puis qu'ils ne trouvent aucune gêne quant à ton jugement et qu'ils se soumettent complètement. Surat An-Nisa, verset 65. Intara kalamuhu hafidhahullah. Donc, ce hadith a été jugé comme faible par certaines personnes. Et ici, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, a jugé qu'il était hasan, qu'il était bon. Et le noble Cheikh Saleh, Ibn Abdel Aziz Ali Cheikh, rahimahullah, l'appuie sur cela. Et pour cause, donc, le fait qu'ils soient en accord avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset cité. Donc, ce hadith montre l'obligation de se soumettre aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses jugements sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'inverse, la mise en garde quant au fait de se détourner de ses ordres subhanahu wa ta'ala et de ses commandements par suivi des passions. Donc, que la personne se soumette aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si cela va à l'encontre de ce qu'elle a comme passion et de ce vers quoi elle penche. Et toute personne qui, après que l'épreuve religieuse soit parvenue, ne suit pas l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aura certes suivi ses passions. Et personne n'est plus égaré que celui qui suit ses passions en dehors de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous dit à ce sujet, d'après l'essence du verset, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, et si ils ne répondent pas à ton appel, donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sache qu'ils ne suivent que leurs passions. Et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans aucune guidée provenant d'Allah? Certes, Allah ne guide pas le peuple des injustes. Surat al-Qasas, les récits, verset numéro 50. Donc, cela vient montrer que toute personne à qui on expose la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière claire, et qui après cela ne se soumet pas, cela est un signe que cette personne suit ses passions. Et comme Allah l'a dit, qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans aucune guidée venant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc cela permet à chacun d'entre nous de s'examiner et de voir où est-ce qu'il en est par rapport aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que lorsqu'un hadith vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne se soumet automatiquement et accepte cela, ou elle cherche à contredire cela, ou bien elle se détourne de cela en sachant qu'elle n'a aucune preuve mais qu'elle suit ses passions? Et celui qui fait ça, qu'il sache qu'il a une part de ce verset et qui fait partie des gens qui sont égarés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi d'après l'essence du verset, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Donc il n'appartient pas à aucun croyant ou une croyante, après qu'Allah et son messager aient décrété une affaire, d'avoir le choix dans leur affaire. Et celui qui désobéit à Allah et son messager, c'est certes égaré d'un égarement clair, d'un égarement évident. هذا والله أعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتوب علينا وأن يعفو عنا. ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.